L'aveu par Jean de La Brette. Il en est des souvenirs, enfants, comme des flammes qui sortent d'un feu à son déclin. Elles vivent et s'éteignent au même instant. Vieux souvenirs qui passaient comme une flamme mourante. De jeunes mains veulent soulever les années qui vous cachent. De jeunes curiosités veulent s'aviver au contact de votre grâce fanée et de vos charmes évanouis. Mais tant de choses se peuvent-elles compter quand elles ont eu la couleur très douce des fleurs d'automne, la tranquillité des eaux dormantes? Quel pinceau est manié assez légèrement pour exprimer les nuances des amours délicates et des sentiments purs? Quand j'aurai compté, enfant qui voulait savoir, vous me direz, quoi, c'est tout, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, et cependant, vous saurez un jour que ce rien, c'est la vie. La flore des bois avait disparu comme une chose très fragile et très éphémère. Quand la jeune fille, aujourd'hui votre aïeule, allait rêver près de la source cachée sous les chênes, elle la trouvait dormant au milieu des herbes, sans les asphodèles blancs qui ornaient, quelques semaines auparavant, l'endroit recueilli. Bientôt, elle y vint moins souvent, car son cœur avait découvert seul la clé qu'il cherchait. Un jour d'été, il était allé à celui que l'on doit aimer toujours. Elle n'eût pu dire comment l'amour était arrivé. Il n'avait point frappé de coups violents. Il était entré avec des mouvements doux et silencieux. Timide, il n'osait ni parler ni se laisser deviner. Il ressemblait à la fleur matinale qui se ferme aussitôt qu'un rayon trop vif vient la toucher. Dans cette phase de l'amour qui naît et s'ignore, elle et lui épiaient les moindres faits qui se transformaient à leurs yeux en révélations toujours nouvelles. Un matin, les résédas mêlaient leur arôme à celui des héliotropes, les roses d'arrière-saison ployaient sous la rosée, et sur de fins réseaux tendus par des ouvriers inconnus, les gouttes scintillaient. Elle, penchée vers ses beautés, écoutait au plus profond de son cœur un chant qui se mariait avec celui de la matinée embaumée. « Il est auprès de moi, et il m'aime peut-être. Dites-moi, goutte brillante, si ce n'est pas un moment privilégié pour avouer son amour. » Et levant les yeux vers lui, elle avait saisi un regard admiratif, mais surtout très tendre, et qui, surpris, s'était détourné avec timidité. Depuis cette matinée, elle allait sans cesse dans les mêmes sentiers pour se confier à la rosée. « Tu as vu son âme dans ses yeux. Il comprend comme toi ton langage. Dis-lui que je l'aime. » Car elle ne pouvait croire que la parole, si expressive pour elle-même, ne se fit point entendre à celui qu'elle aimait. « Soyez mes messagères, fleurs pâlies et rosées charmantes. Vous le savez, je ne puis rien dire, mais vous, parlez. » Or, les jours avaient passé, et il ne semblait pas qu'elle eût trouvé de messager fidèle. Désormais, avec un sentiment mélangé de plaisir et d'angoisse, elle adressait des plaintes à ses amis de la nature. Mais sa peine lui était chère. Elle en venait chercher chaque matin l'amertume dans les calices humides, dans le scintillement des gouttes brillantes. Un jour, c'était en novembre, une gelée blanche couvrait les plantes, les herbes, et craquait sous les pas. Le soleil était si doux qu'il ne pouvait la fondre, et bien qu'il fût midi, la campagne restait parée. Sous le fardeau léger, les feuilles, mûres pour tomber, abandonnaient les rameaux. Eux demeuraient immobiles, sans qu'un souffle agitât leurs tiges dépouillées. Les dernières fleurs, aux coloris incertains, paraissaient figées. Rien ne bougeait dans ce jour calme, doux et pur, hormis la feuille qui tombait, hormis le cœur de jeune fille qui battait, attristé, dans la paix délicieuse de cette journée. 6 semaines depuis que ses yeux ont parlé. Je me suis égaré. Il ne m'aime pas. Une abeille, trompée par la douceur de l'air, entra dans une corolle et s'envola aussitôt. La jeune fille observa avec tristesse sa déception. Toi aussi, tu es trompée par tes anciens amis. Leurs promesses sont ensevelies sous la gelée. Quoique fine et légère, elle a refroidi jusqu'à la tendresse éveillée dans un cœur que je croyais à moi. Bien que douloureux, son sentiment n'avait pas d'âpreté, et se découvrait des affinités avec la douceur des bois. Tout à coup, son cœur battit plus vite et elle s'arrêta. Au tournant d'un sentier, elle l'avait aperçu assis sur un tronc d'arbre. Ses chiens dormaient, allongés à ses pieds, et lui écrivaient, absorbés dans des pensées qui amenaient un sourire ou une ombre sur son visage. « Que fait-il ? » « Il écrit. Est-ce à moi ? M'envoie-t-il un adieu ou une espérance ?» Elle s'avança très doucement avec l'espoir irréfléchi de surprendre le secret. Mais une branche se brisa sous ses pas, Il se leva vivement, et comme des enfants intimidés, ils se regardèrent sans parler. Mais elle avait lu dans ses yeux, et tous les chants d'une matinée embaumée se firent entendre sous la gelée blanche. « Il t'aime, mais il n'osait l'avouer. Demande à lire ce qu'il vient d'écrire. » D'une voix tremblante, elle lui dit « Vous écriviez ?»« Non, c'est-à-dire, oui. » Il rougit tellement qu'elle eut un sourire et se sentit plus forte pour surmonter sa propre timidité. « Voulez-vous me montrer ? » dit-elle en tendant la main. « Ce sont des vers, je n'oserais pas. » balbutia-t-il en reculant. « Donnez. » Elle enleva le papier qui tremblait dans la main de son amant, et pendant que, tout confus, il baissait la tête et que sa confusion ravissait la jeune fille, elle lut l'estrophe qui lui était adressée. Charmée, elle regarda autour d'elle, et avec effusion remercia ses amis de ne l'avoir pas trompée. « Ah, vous lui avez fait les mêmes révélations qu'à moi-même. Il connaît bien le langage de la rosée brillante et des fleurs pâlies. » Depuis, enfant, aucune poésie ne m'a paru avoir une pareille saveur. Vous souriez. Mais un jour, vous me croirez, quand vous lirez les mêmes strophes dans les battements de votre cœur et les élans de votre tendresse. Il avait 20 ans, elle en avait 16, et dans l'aveu réciproque de leur amour se mêlait une timidité qu'il ne pouvait surmonter. Elle cherchait ce qu'elle pourrait dire pour l'encourager et ne trouva que ces simples mots. « Je ne m'y connais pas beaucoup, mais... « Vraiment, je crois que ces vers sont très bien. »« Ah, vous ne m'en voulez pas ?»« Très peu. » Puis ils gardèrent le silence. Émus, ils entendaient autour d'eux l'écho d'un sentiment si pur et si délicat qu'il semblait émaner des blancheurs transparentes de la gelée. Leurs mains s'étaient unies, et bien que lui ne parlât pas, jamais Amémante n'entendit langage plus éloquent. Toujours silencieux, ils revinrent vers le manoir, en regardant les feuilles qui tombaient, le jeu de la lumière dans les sentiers blanchis, écoutant enfin les harmonies qui exprimaient un amour dont il n'osait murmurer le nom. Et, fiancé, il commençait une longue existence. « Quoi ? C'est tout ? Mais ce n'est rien. » Ce rien, enfant, a été le prélude d'une vie très parfumée de joie profonde. L'amour, pour exister, a-t-il besoin de secousses et d'orages ? Uni à la tendresse, caché dans le calme des jours tranquilles, il a le charme pénétrant des teintes adoucies. C'était L'aveu par Jean de La Brette.